Vers le commencement de cet hiver, Frédéric et Deslauriers, causaient au coin du feu, réconciliés encore une fois, par la fatalité de leur nature, qu'ils avaient fait toujours se rejoindre et s'aimer. L'un expliqua sommairement sa brouille avec Madame d'Ambreuse, laquelle s'était remariée à un Anglais. L'autre, sans dire comment il avait épousé Mademoiselle Roque, conta que sa femme, un beau jour, s'était enfuie avec un chanteur. Et ils résumèrent leur vie. Ils l'avaient manqué tous les deux. Celui qui avait rêvé l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir.